bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de la boîte à BO. Chaque semaine, l'occasion de revisiter les grands standards de la musique de film. Nous allons passer ensemble une demi-heure pour écouter donc de très belles bandes originales, toujours en compagnie de la fidèle Francine. Bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Alors, quel est le programme du jour, Francine? Alors, au programme aujourd'hui, nous allons vous présenter des films dans lesquels on retrouve Yves Montand. Alors, pourquoi Yves Montand? Eh bien, parce qu'il aurait eu 100 ans cette année. De son vrai nom, Ivo Livi, Yves Montand est né en Toscane en 1921 et il n'a que 2 ans lorsque sa famille décide de s'installer dans les quartiers pauvres de Marseille pour fuir le fascisme. Il grandit en se passionnant pour le cinéma, notamment pour les comédies musicales américaines, où il admire Fred Astaire et en 1938, à l'âge de 17 ans, il débute en tant que chauffeur de salle dans un cabaret de music hall de Marseille. Puis commence ensuite une carrière de chanteur. Sa carrière d'acteur n'a commencé qu'en 63. Eh bien Francine, c'est parfait. On va donc retrouver ses plus grands succès dans quelques instants pour cette émission de la boîte à BO spéciale Yves Montand. Alors Francine, commençons tout d'abord par Les Portes de la Nuit, un film réalisé par Marcel Carnet et sorti en 1946. Alors le film est adapté du ballet Le Rendez-vous, écrit par Jacques Prévert et mis en scène par Roland Petit peu après la Libération. Les rôles de Jean Diego et Malou devaient à l'origine être tenus par Jean Gabin et Marlène Dietrich, alors en couple. Mais celle-ci se retira du projet au dernier moment et Gabin l'a suivi. Mais Édith Piaf insista donc auprès de Marcel Carnet pour que ce dernier engage son petit ami de l'époque. C'est ainsi que le réalisateur choisit un chanteur qui faisait alors ses premiers pas au cinéma, Yves Montand. Mais Jérôme, ce film, c'est aussi le début du succès des Feuilles Mortes. Et oui, tout à fait Francine. Les paroles, les Feuilles Mortes ont été écrites par Jacques Prévert et la musique composée par Joseph Cosma. Et la chanson devait initialement figurer au générique du film, mais seules des bribes en sont fredonnées, notamment par Yves Montand. La chanson va devenir au bout de quelques années un succès international. Toutefois, le film est un échec commercial et Jacques Prévert était quand même furieux que pas une critique n'ait parlé donc des Feuilles Mortes. Alors, écoutons sans plus attendre cette fameuse chanson Les Feuilles Mortes, donc interprétée par Yves Montand. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants. On continue toujours avec cette BO spéciale Yves Montand. Donc en 1960, Yves Montand connaît un grand tournant dans sa carrière qui s'internationalise grâce à plusieurs grands films. Il commence avec Le Milliardaire, sorti en 60 et réalisé par Georges Cukor. C'est le premier film hollywoodien d'Yves Montand. Il donne la réplique à Marilyn Monroe et incarne le rôle d'un tombeur de femme, ce qui lui colle parfaitement à la peau. C'est sur les conseils d'Arthur Miller, alors mari de Marilyn Monroe, que George Cukor jette son dévolu sur Yves Montand, qui avait triomphé peu avant dans un récital à New York. En fait, le rôle avait été proposé à Yul Brynner, Gary Grant, Charlton Heston, Rock Hudson et James Stewart, mais tous ont refusé. Alors, Francine, aux États-Unis, je crois que Le Milliardaire est connu sous le nom Let's Make Love, un nom qui est finalement prémonitoire de la relation entre Marilyn Monroe et Yves Montand. Eh bien oui, en effet, puisque un titre qui, selon les commentateurs de l'époque, a été pris un peu trop au sérieux par les deux acteurs principaux, puisque Marilyn Monroe et Yves Montand ont démarré une liaison très médiatisée par la presse à scandale de l'époque. Cette liaison aurait brisé le couple Miller-Monroe, mais Simone Signoret, alors épouse d'Yves Montand, a déclaré plus tard qu'elle aurait aimé dire à Marilyn Monroe qu'elle ne lui en voulait pas. Donc le morceau que nous avons choisi de vous faire entendre est My Heart Belongs to Daddy, un standard de jazz composé par Cole Porter en 38, mais qui devient un des succès emblématiques de Marilyn Monroe avec sa reprise dans le film. Donc écoutons My Heart Belongs to Daddy. My name is Lolita, and I'm not supposed to play with boys. Proprietaire. The caddy, but when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine thing and hattie, I just adore his asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy. So I simply couldn't be back. Yes, my heart belongs to Daddy. Da, da, da, da, da, da, da, da. So I want to warn you, laddie, though I know that you're perfectly swell, that my heart belongs to daddy, 'cause my daddy. Eh bien, on continue maintenant avec une autre BO, cette fois-ci donc du film Aimez-vous Brahms, sorti en 1961, réalisé par Anatole Litvak et inspiré du roman du même nom de Françoise Sagan. Alors dans ce film, on retrouve aux côtés d'Yves Montand, Ingrid Bergman et Anthony Hopkins. C'est Georges Auric qui a composé la musique, mais ce qui est intéressant dans cette bande originale, c'est que c'est en fait une adaptation du thème du troisième mouvement de la symphonie numéro 3 de Brahms. Vous verrez que lorsque vous entendrez ce thème, eh bien, vous constaterez qu'il a été repris à de nombreuses fois, comme par exemple pour la chanson de Serge Gainsbourg, Baby Alone in Babylon. Alors écoutons sans plus tarder le thème principal de ce film, Aimez-vous Brahms. Et maintenant, place à un film historique de René Clément sorti en 1967, Paris brûle-t-il ? Alors, Paris brûle-t-il est une fresque historique qui montre les faits de résistance et les actions militaires qui, en août 1944, conduisent à la libération de Paris et à la reddition du commandant de la garnison militaire de Paris, le général von Choltitz, qui désobéit à l'ordre d'Hitler de détruire les ponts et les monuments de Paris et se rend sans condition aux alliés. Alors Francine, l'une des particularités donc de ce film est son casting qui est impressionnant. Alors oui, en effet, il regroupe un grand nombre d'acteurs français comme par exemple Belmondo et Delon, mais aussi des acteurs anglais et allemands. Chaque personnage a utilisé sa propre langue pendant les scènes de tournage. Deux versions, l'une française et l'autre américaine, ont été montées avec doublage en français et en anglais respectivement, alors que quelques scènes en allemand restent sous-titrées dans les deux versions. Alors le thème musical composé par Maurice Jarre va se transformer en une chanson à succès et emblématique de Paris, Paris en colère, notamment interprétée par Mireille Mathieu. Donc écoutons ce thème mythique. Thank you. Passons maintenant donc aux années 70 avec La Folie des Grandeurs, un film de 1971 réalisé par Gérard Oury. Alors le film est une adaptation de Ruy Blas de Victor Hugo, drame romantique dans l'Espagne du XVIIe siècle, mais que Gérard Oury a adapté en film comique avec à l'affiche bien évidemment Louis de Funès et Yves Montand. Alors ce film fut l'un des grands succès de l'année 1971. Alors le rôle de Blas, donc le valet de La Folie des Grandeurs, avait été à l'origine conçu pour Bourvil, mais la mort de celui-ci, quelques mois avant le début du tournage, obligea Gérard Oury à remanier le rôle pour Yves Montand, qui, d'un domestique fidèle mais bené à la sganarelle, devint un fils spirituel de Scapin. Dis-moi Jérôme, le compositeur de la musique de ce film est pour le moins inattendu. Eh bien tout à fait, puisque la bande originale est signée par Michel Polnareff. Et le style musical est en décalage total avec l'époque à laquelle se situe l'intrigue et se rapproche plutôt par certaines sonorités au western spaghetti de l'époque et notamment des légendaires partitions composées par Ennio Morricone. Alors écoutons tout de suite le thème principal donc de La Folie des Grandeurs composé par Michel Polnareff. César et Rosalie, un film de 72 réalisé par Claude Sauté dans lequel on retrouve Romy Schneider et Samy Frey aux côtés d'Yves Montand. Alors c'est l'histoire d'un trio amoureux et d'une amitié naissante. César, qui dirige une société de ferrailleurs, aime Rosalie avec laquelle il partage sa vie. Et il y a aussi David, un artiste qui fut autrefois l'amant si cher au cœur de Rosalie. Les deux hommes qui se disputent la même femme finissent par devenir amis. Alors Francine, comme beaucoup de films, je crois que le choix des acteurs n'a pas été très simple. Ah ben oui, en effet, puisque le rôle de Rosalie devait être initialement tenu par Catherine Deneuve, mais celle-ci n'était pas disponible car enceinte. Donc Claude Sauté a fait appel à Romy Schneider, ce qui constitue leur troisième collaboration après Les Choses de la Vie et Max les Ferrailleurs. Pour le rôle de César, Claude Sauté avait envisagé qu'il soit interprété par Vittorio Gassman, mais ce dernier refusa de jouer le rôle d'un cocu. C'est donc Yves Montand qui a accepté le rôle. Alors la musique est composée par Philippe Sard. Écoutons maintenant le thème principal du film César et Rosalie. Thank you. Alors nous continuons avec Le Choix des armes, un film policier réalisé par Alain Corneau en 1981. Yves Montand, un ancien truand, a une vie bien rangée avec sa compagne Catherine Deneuve. Mais l'évasion d'un ancien complice, interprété par Gérard Depardieu, les oblige à renouer avec de vieilles connaissances. Alors Le Choix des armes marque la troisième et dernière collaboration entre Alain Corneau et Yves Montand après Police Python 357 en 1976 et La Menace en 1977. Et Gérard Depardieu et Yves Montand se retrouve 7 ans après Vincent, François, Paul et les autres et tourneront tous les deux dans Jean de Florette bien sûr, mais sans aucune scène en commun. C'est donc Philippe Sard qui a composé la bande originale et je vous propose donc tout de suite de retrouver le thème principal du Choix des armes. Avec Tout feu, tout flamme, une comédie de Jean-Paul Rapneau, sortie en 1982. Yves Montand y joue le rôle d'un père qui a quitté Paris, laissant derrière lui sa mère et ses trois filles pour réaliser de sombres opérations de casino aux Bahamas et au Canada. Il revient à Paris et, usant de son charme habituel, persuade sa mère de lui donner procuration pour vendre son immeuble et placer l'argent dans la réfection d'un casino au bord du lac Clément. Tout ceci à l'insu de sa fille, interprétée par Isabelle Adjani, qui sent l'arnaque, mais finit par voler à son secours. Et c'est Michel Berger qui a composé la musique de ce film. On va donc retrouver dans la musique générique de ce film tout le génie de Michel Berger. Thank you. Voilà, ainsi s'achève ce numéro spécial de la boîte à BO consacré à Yves Montand. J'espère que cette émission vous a plu et que vous avez pris plaisir de découvrir ou de réécouter certaines musiques créées ou interprétées pour Yves Montand. Alors n'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur le site Facebook de Fadjet, puis de nous faire part de vos BO coup de cœur. Eh bien Francine, rendez-vous à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Jérôme. Bien, toujours fidèle au poste. Allez, à la semaine prochaine et merci de rester fidèle à Radio Fadjet.